Chapitre 22e. L'esprit d'une pointe. Les souterrains, cette nuit-là, conservèrent encore jalousement leur secret, si toutefois ils en avaient un. Les sondages n'aboutissaient point. Méhavi lança tout à coup au Méhara, vers les minuit, que nous commençons sottement par où nous aurions dû finir. Delmont riposta. Fort possible, mais notre histoire, mon pauvre vieux, n'a ni commencement ni fin. Comment veux-tu que nous sachions par quel bout la prendre en ce cas ? L'Irlandais insista quand même. C'est ton opinion, soit. Toutefois, ce n'est pas mon avis. Veux-tu que nous récapitulions un peu ce que tu m'as confié ? N'as-tu pas un jour découvert dans un livre de ton grand-père cette phrase soulignée par lui ? Les trois chandelles en sont la clé. Nous tenons, ce me semble, le seul fil qui puisse nous aider dans les dédales du labyrinthe. Delbon remarqua. Tu oublies que je m'en suis déjà servi, et heureusement. Omehara riposta. Oui, il t'a révélé l'une des issues. D'accord. Cependant, peux-tu affirmer qu'il n'y en avait pas d'autre ? Il railla. Voyons, toi, un ingénieur, un jongleur d'X et d'Y. Tu oublies que souvent coexistent différentes façons d'aboutir à la solution d'un problème. Et témoignant de cette ténacité patiente qui le caractérisait, il déclara. Tiens, rentrons dans ton studio. Fais-moi servir une goutte de ton vieux marc et apporte-moi les tronçons du candélabre que je t'ai engagé, non sans raison, à ranger avec soin. Nous les examinerons de nouveau. Delbon se moqua, découragé. Cela vaudra mieux que d'aller au cabaret. Omehara blâma, philosophique. Ah, voilà qui est bien français. Désabusé avant d'entreprendre, fatigué au premier effort. Delbon déposait sur la table les morceaux rompus du métal. L'Irlandais désigna d'abord la masse du pesant reliquaire. « As-tu vérifié sérieusement s'il renfermait quelque chose ?»« Certes oui, et sans résultat. »« Laissons-le donc de côté pour le moment, quitte à y revenir et même si c'est nécessaire à le sacrifier. »« Mais ce serait fort dommage, et il sera toujours temps de recourir à cette mesure extrême. »« Je suppose que la clé de l'énigme n'est point là, pour deux raisons. » La première, j'admets qu'il vaille entendre les trois chandelles dans l'acception la plus large, la plus étendue, autant dans ce qui les supporte que dans ce qui les entoure. Mais je serais surpris que l'expression désignât ce bras de métal surajouté. L'indication serait trop vague. Je me refuse à croire, jusqu'à preuve du contraire, que feu M. Delorme était assez mal intentionné pour t'infliger d'épouvantables migraines avec un inutile casse-tête. D'autre part, il avait le respect des choses artistiques, m'as-tu assuré. Par quelle aberration t'aurait-il engagé, indirectement, à détériorer ce chef-d'œuvre ? Crois-moi, recommençons l'examen du candélabre proprement dit. Ce ne sera pas long. Ô Delbon, tomberais-tu dans ce travers des esprits qui, mesurant tout à leur propre simplicité, ne découvrent rien d'extraordinaire aux choses les plus compliquées ? Il s'était saisi de l'objet et l'examinait. Il l'inspecta du pied, à présent rompu, à l'extrémité des branches. Après quoi il le replaça devant lui, sans cesser de le considérer. Delbon n'eut pas le triomphe modeste. Alors, Oedipe, il a été écrit, si je ne m'abuse, cherchez et vous trouverez. Voilà que tu cherches et ne trouves pas. Mes sentiments de condoléance. Omehara se borna comme réponse à un évasif. Qui sait ? Il ne bougeait point. Il semblait que le candélabre brillant le fascina. Soudain, il demanda. Qu'est-ce qui te frappe particulièrement dans l'aspect de ce porte-bougie ? Rien. Je m'étonne que mon grand-père, homme de goût, ait choisi à cet objet banal un aussi magnifique support. L'Irlandais répliqua tenace. Qui sait si, par l'opposition de cette belle pièce d'orfèvrerie et de cet ustensile assez laid, M. Delorme n'a pas voulu attirer ton attention particulière sur ce dernier ? Il n'y a d'ailleurs guère réussi puisque tu n'y observes point ce qui crève pourtant les yeux. Delbon s'impatiente un peu. Si tu es plus subtil que moi. L'Irlandais rectifia. Eh non, mais plus appliqué, mon ami. Puis il exposa. D'habitude, la bougie s'enfonce simplement dans un creux ad hoc. Or, ici, comme dans les candélabres d'église, une pointe de métal fait saillie. As-tu pris soin d'examiner chacun de ces cônes d'acier ? L'ingénieur haussa les épaules. Belle invention, et qui honore ton imagination celtique. Mon cher, souviens-toi de l'histoire de Christophe Colomb. Cependant, Jim étudiait les cônes de près à l'aide d'une forte loupe. Il en passa deux de la sorte. Au troisième, une exclamation de surprise lui échappa. La présence révélatrice d'un brin de bourre entre la base de la pointe et le fond, où elle paraissait implantée, lui indiquait que devait exister une fissure, une solution de continuité. « Passe-moi une pince, » pria-t-il. Entrevoyant la vérité et ne riant plus, Henri Delbon trouva et lui tendit l'outil. D'une torsion de gauche à droite, l'Irlandais dévissa la pointe. Elle était creuse et recelait dans sa cavité minuscule ce qui paraissait devoir être une indication précieuse, un rouleau de papier pelure portant un tracé rouge et noir. Les deux hommes le déroulèrent avec soin sur une planche à dessin et le fixèrent à ses quatre angles. Alors Homère apercifla. « Vous dites, vous français, comment ? Ah oui, une pointe d'esprit. Et il m'appartenait à moi, vieux celte, de découvrir l'esprit d'une pointe. » Il rit de son rire sonore. La trouvaille était d'importance. Une indication, au haut du cadre, à droite, en petites lettres gothiques, indiquait nettement sa portée. Plan relevé, contrôlé et vérifié des souterrains du château du reliquaire, de leurs ressources, de leurs débouchés. De leurs ressources. Nuque penchée, les deux hommes étudiaient le plan. Delbon y situa les caves, le souterrain qui conduisait à la crypte de la chapelle, lorsqu'entre les deux portes bizarres qui en condamnaient les issues, il mit l'index sur un rectangle dessiné d'un pointillé rouge. D'après l'échelle, il y avait là une cavité mesurant environ 2 mètres sur 4. Les deux amis se regardèrent. Ils se comprirent à demi-mot, et se levant d'un même mouvement, ils descendirent aussitôt au sous-sol pour vérifier. Ils ne furent d'ailleurs pas déçus. Le rayon de la forte lampe a projeté leur découverte sur la muraille un point brillant, parcelle de mica en apparence, mais en réalité débris de verre encastrés avec soin dans la paroi de la maçonnerie. Ils en découvrirent un second, un troisième, puis un quatrième. Ces repères, respectivement distants d'un mètre environ, indiquaient une sorte de porte. Une demi-heure se perdit à la recherche d'un loquet, d'une serrure, d'un bouton caché. Homéara finit par dire « Eh bien, attaquons la cloison !» Gagné par une sorte de fièvre, ils remontèrent en hâte pour prendre dans le vestibule de pique abandonné là, près des sacs par les ouvriers piémontais qu'avait employé Feu de l'Orme. Avant que de redescendre et de s'improviser terrassier, Homéara recommanda à Bernard, qui lui témoignait une sympathie particulière, « Nous avons une besogne en bas qui durera un certain temps. Nous désirons n'être pas dérangés par des importuns. Que ton balai te serve d'arme défensive et symbolique. » Le domestique certifia. « Je ne suis pas sourd. Entendu, je ne suis pas bête. Compris. Vers qui monte sérieusement la garde, personne n'est qui se hasarde. » Redescendant avec Delbon, l'Irlandais lui disait « Old fellow, mon opinion se confirme. Je ne sais pas si nous allons déterrer un magot là-bas, mais à mon avis, ta maison renferme déjà un trésor, en la personne de Bernard. Conserve-le, sans hésiter. » On attaqua donc joyeusement la maçonnerie du boyau. De ses souples biceps d'athlète, Homéara lançait son pic contre la paroi avec un nain formidable et l'ingénieur entassait gravat sur gravat. La besogne allait assez vite, car sous la couche trompeuse de stuc, on ne rencontrait nulle part que petites pierres et moellons. Brusquement, la pointe de l'outil ne sentit plus de résistance. La secousse fit perdre l'équilibre à Jim qui, de satisfaction, poussa une série de hurrahs. Dès lors, la tâche avança vite. Elle consistait moins, en effet, à démolir qu'à déblayer. Une ouverture s'offrit bientôt suffisante pour autoriser le passage d'un corps. Les amis s'introduisirent l'un après l'autre dans une sorte de niche aux dimensions restreintes. À son centre, une table de cuisine supportait un coffret de cuivre dont la serrure avait sa clé. Jim Homéara tamponna de son mouchoir un front ruisselant. « Il me semble, dit-il, que nous serons plus à l'aise dans ton studio, pour nous rendre compte si ce coffret vaut mieux qu'une ironique invitation à continuer les recherches plus avant. Avec un pince sans rire de l'aspect de ton grand-père, il faut s'attendre à tout. Cependant, nous aviserons, aux mesures à prendre, s'il y a lieu, dans un bon fauteuil, tout en conservant à notre portée un fond de Porto, pour nous inspirer. J'incline d'autant plus à cette solution que ma chemise est trempée de sueur et que je serais naturellement désireux de la remplacer par une sèche. » Avant de regagner le studio, les amis relevèrent de sa garde le domestique, dont un éclair de joie illumina les prunelles quand il aperçut le portrait. Prêtait-il un sens particulier au proverbe énigmatique qu'il lança alors ? On ouvrit donc la mystérieuse boîte, sur le couvercle de laquelle était gravé un sphinx et dont les charnières soutenaient de mignonnes figurines de chimères. Elles ne contenaient pas d'or, ni de pierres précieuses, mais simplement, dans une chemise de papier fort, une liasse assez volumineuse de paperasse que nos héros se hâtèrent de dépouiller. Elle n'était pas, comme un lecteur avide pourrait l'espérer, des billets de banque ou des banknotes, mais n'en constituait pas moins une appréciable fortune. Il y avait là des reçus de sommes considérables prêtées à Maître Tapabord ou mises en dépôt chez lui par Feu de l'Orme. Il y avait là des inscriptions hypothécaires sur un gros domaine que le tabellion possédait encore en Normandie et que pour cause il n'avait pas aliéné. Delbon, convaincu d'une ignominie qu'il pressentait, murmura « Enfin, tout s'explique. » Omehara, qui lui ne se détournait d'une chose qu'après l'avoir examinée par le menu sur toutes ses faces, attira encore l'attention de son ami sur une ironique suscription. Delorme l'avait écrite de sa propre main, au crayon bleu et en lettres moulées, sur la chemise jaune de l'alias. Delbon lut à haute voix « Rira bien qui rira le dernier. » Omehara, feignant de se méprendre, s'enquit. « Tiens, tu es donc là, Bernard.